Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal pour cette mi-journée du 5 février 2018. Voici les grands titres. Célébration ce lundi 5 février du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, l'occasion pour le Président de la République de rappeler dans le discours à la Nation hier que l'Unité Nationale est un préalable pour le progrès du pays. Et dans sa prière de circonstance à Gitega, où le Président de la République se trouve aujourd'hui, Monseigneur Simon Nangana a demandé que Dieu fasse tout pour que les Burundais vivent une unité réelle. Dans ce journal également, vous entendrez ce que pensent certains habitants de Bujumbura de l'unité nationale. Un certain Sylvestre Niyonguru est mort et son corps retrouvé à côté de la rivière Kanyaru en commune Marangara de la province Ngozi. La police dit que cet homme qui habitait au Rwanda a été tué puis son corps jeté à Marangara dans sa commune natale. En actualité internationale, le Maroc a corrigé le Nigeria en finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN en s'imposant ce dimanche devant le Nigeria par 4-0. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Un corps sans vie dans certains Sylvestre Niyonguru a été retrouvé à côté de la rivière Kanyaru en commune Marangara de la province Ngozi. La police indique que cet homme qui habitait au Rwanda a été tué puis son corps jeté à Marangara dans sa commune natale. Les détails avec notre correspondant Apollinaire Mozagara. Les informations émanant de la police Ngozi indiquent que cet homme venait de passer toute une année au Rwanda dans un des villages non loin de Marangara. Les informations disent que les autorités rwandaises lui avaient intimé l'ordre de rejoindre les autres Burundais dans le camp de Mahama, mais Sylvestre Niyonguru a refusé. Son corps a été retrouvé ce dimanche tout près de cette rivière Kanyaru, mais du côté burundais en commune Maranga. Le constat fait par un officier de la police judiciaire Ngozi montre que cet homme a trouvé la mort suite au coup de bâton cross-dress. Sylvestre Niyonguru a été enterré ce dimanche même par sa famille à Maranga. Ngozi, Apollinaire Mozagara, merci Apollinaire. Fatsa Ougargoz n'est plus président de la commission d'enquête sur le Burundi établie par le Conseil des droits de l'homme. Il a récemment démissionné et remplacé par un Sénégalais. S'exprimant par rapport à ce sujet lors de la présentation des réalisations de l'année 2017, le ministre Martin Nivyabandi, chargé des droits de l'homme, a indiqué que malgré ces changements, le gouvernement burundais n'entend pas changer de position. Il ne va toujours pas collaborer avec cette commission qui n'a pas privé privilégier le dialogue en violant les règles du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais encore une fois réitérer la position du gouvernement. Quand la commission d'enquête sur le Burundi a été initiée, nous avons dénoncé cela que c'était un forcing de l'Union européenne. Au lieu de privilégier la coopération, de privilégier le dialogue, ils ont privilégié le forcing. Nous avons dit le gouvernement ne va pas et n'entend pas coopérer avec cette commission qui viole les règles du Conseil des droits de l'homme. Quand vous lisez les textes, le nouveau président, le Sénégalais qui vient d'être nommé, il va remplacer Ouguerbouze qui a démissionné pour des raisons personnelles. Mais aussi, il y a un autre membre de la commission, Madame Alapini, qui a été recrutée au niveau de la Cour pénale internationale pour des raisons qu'on ignore aussi. Elle va démissionner en mars. Donc nous trouvons qu'il y a des tares au niveau des activités de cette commission. Mais aussi, le Burundi refuse la coopération parce qu'on lui a fait des missions juridictionnelles, ce qui est contraire à ce qui régit les règles qui guident la commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Martin Nivyabandi, c'est le ministre burundais en charge des droits de l'homme. Les jeunes apprenants dans les écoles de formation professionnelle en métiers divers n'ont pas été autorisés à participer aux compétitions sportives interscolaires pour cette année scolaire. Certains d'entre eux estiment être discriminés. Pour les responsables des écoles de formation professionnelle, les compétitions sportives en cours ont été organisées par le ministère de l'Éducation, alors que pour le moment, les centres de formation professionnelle dépendent d'un autre ministère, celui de la fonction publique et l'emploi. Dimanche, à Muyinga, les huitièmes des finales des compétitions interscolaires ont opposé les équipes championnes provinciales de Muyinga à celles de Kirundo. Sur 8 matchs joués en football, volleyball, basketball et handball, masculin et féminin, seulement 2 ont été gagnés par Kirundo. Toujours du sport, Parlons maintenant de la célébration de la charte de l'unité nationale. Je vous l'avais dit, le président de la République se trouve à Gitega pour la célébration de cette journée du 5 février. Je vous l'ai dit en titre, Monseigneur Simon Namwana a demandé que Dieu fasse tout pour que les Burundais vivent une unité réelle. Voici les détails dans cette correspondance de Arthur Kavabushi. Cette cérémonie de célébration du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale qui a été célébrée dans la province de Gitega au niveau national, Monseigneur Simon Namwana, archevêque du diocèse de Gitega, a demandé à Dieu dans sa prière d'enseigner les Burundais à vivre dans la pleine unité. Cet évêque a indiqué que cette fête est très importante pour les Burundais, étant donné que ça leur rappelle ce à quoi ils se sont engagés, car cette pleine unité rassemble les hommes et au milieu d'eux, il a souligné que la pleine unité ne se chante pas et qu'elle se manifeste dans le partage, en réparant les blessures et en améliorant les relations. Il a été suivi par le représentant de la communauté islamique du Burundi et du représentant des églises protestantes. Dans leur prière, ils ont demandé que l'unité soit éternelle pour que les Burundais vivent dans l'harmonie. Ces cérémonies ont été rehaussées par le président de la République du Burundi en compagnie de sa femme et d'abord déposé un gerbe de fleurs au monument de l'unité de la commune de Gitega. Après, il a été suivi par les ambassadeurs qui ont également déposé un gerbe de fleurs. Les ambassadeurs qui étaient présents dans cette cérémonie, il y a celui de la République populaire de Chine, Belgique, Russie, Ouganda, Mali, Mauritanie, République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Et vous venez de l'entendre, le président de la République se trouve à Gitega pour cette célébration de cet anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale qui a été rehaussée par la présence du premier vice-président de la République en mairie de Bujumbura. Le président de l'Assemblée Nationale était dans la province de Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Du sport, 139 buts ont été inscrits lors des 32 matchs de football de l'ouverture de la Coupe du Président qui ont eu lieu en fin du week-end dernier. Beaucoup de buts résultent du fait que certains clubs qui se cherchent ont joué avec des formations très expérimentées, comme l'explique Youssoufou Moussi, il est chargé des compétitions au sein de la Fédération de football du Burundi. Et l'équipe nationale du Maroc, des joueurs locaux, a remporté ce dimanche la Coupe du Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 après avoir battu le Nigeria. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Vendredi, lors du match qui a opposé Vitalo et Kiganda City de Muramza, ce match s'est soldé sur le score fleuve de 12-1 en faveur de Vitalo, évoluant en première division. Samedi de la semaine passée, le club Burundi Sport Dynamique, évoluant en deuxième division, a atomisé au stade de Gitega, Lumière de Mosonyabitsinda, 11-0. Ce dimanche, Messager Ngozi, évoluant en première division, a largement dominé sur la pelouse du stade de Gitega, Agakura FC de Mwaro, 22-0. Youssouf Mossi, chargé des compétitions au sein de la Fédération de football du Burundi, explique que ces scores fleuves ont été dus au fait qu'il y a des équipes de l'intérieur du pays qui se cherchent, qui ont joué avec des grandes formations. Lors du tirage sort, ça a été un tirage au sort intégral où tous les clubs devaient se rencontrer, peu importe la division dans laquelle le club se trouve. Quand il s'agit d'un tirage intégral du genre, ça veut dire que les grands clubs mangent les petits. Comme les niveaux sont différents, c'est tout à fait normal qu'il y ait des buts qui rentrent vraiment à flot. En 16e des finales de cette Coupe du Président, il pourra y avoir diminution des scores. Youssouf Mossi, chargé des compétitions au sein de la Fédération de football de Burundi, trouve que les clubs qui restent en route sont les plus rodés. Football toujours. C'est l'équipe nationale du Maroc et des joueurs locaux qui a remporté la Coupe du Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Les Marocains ont battu ce dimanche à Casablanca les Nigériens 4-0. L'équipe du Soudan a été sacrée de la 3e place. Les Soudanais ont arraché une dure victoire 4-2 lors des tirs au but. À l'issue de la rencontre très dure qui avait vu les Libyens revenir au score, un but partout en fin de match à la 84e minute de jeu, en voyant les deux équipes à la fatidique épreuve de pénalty. Isanganiro. Sans unité, point de parler de travail ou de progrès, et que ceux qui mettent en avant les divisions sachent que c'est sans issue, c'est un clin d'œil du président burundais lors de son discours à la nation à la veille de la célébration du 27e anniversaire de la charte de l'unité nationale. Le président burundais a précisé que c'est le moment opportun pour faire un examen de conscience. Suivez le président de la République, traduit en français par Joseph Sabiyabandi. Musi nk'uyu nakajyo keza ko kwirimbura tukaraba iyo tuvuye aho tugeze niyo tugana umunsi wo gushima ibyiza tumaze gushikako. C'est un moment important de se faire une évaluation de notre passé, où est-ce que nous en sommes, et tracer les grandes lignes de demain. C'est une occasion d'apprécier le pas déjà franchi et de rappeler à tout Burundais sa contribution dans la consolidation de l'unité pour léguer à notre progéniture un pays sans division, sans égoïsme et d'autres mots qui handicapent les Burundais, ainsi défendre une cause commune, le pied, travail et progrès. Dans cette devise, l'unité vient avant tout, car c'est le pilier de notre nation. En effet, nul ne peut parler de travail ou de progrès sans unité. Il y a des Burundais qui pensent que les divisions peuvent les aider pour certains intérêts, qu'ils sachent que c'est sans issue. Nous leur demandons de se délier de ces mots et comprendre que les temps ont changé. Bacibaza ko amashakira ashobora kubashikana ku maronko n'izindi nyungu z'ubujyajya kandi ko amasi ya kera atagiye mu rutaro. Le président de la République, dans son discours à la nation à l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de la charte de l'unité nationale. Et certaines personnes rencontrées dans les rues de Bujumbura apprécient positivement l'unité nationale telle que vécue par les Burundais, alors que d'autres estiment qu'il y a des améliorations à apporter pour que cette unité soit réellement ressentie par tous. Ces citadins se sont exprimés à l'occasion de la célébration ce 5 février du 27e anniversaire de la charte de l'unité nationale. Suivez son micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. Je peux dire qu'il y a de l'unité, mais ça dépend de la situation économique des citoyens. Là où j'habite, dans les années passées, tout le monde était mobilisé, faisant des défilés. Le jour de la célébration de la journée nationale de l'unité, selon les moyens qui existaient. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On dirait que l'unité est réservée pour certains, alors que c'est pas le cas pour d'autres. Certains sont en train de voir à leurs activités quotidiennes, alors d'autres sont en train de boire dans les bistrots, alors que d'autres sont en train de célébrer cette journée de l'unité nationale. L'unité entre les Burundais n'est pas du tout totale parce qu'il y a la paix qui règne surtout parmi les citoyens. Pour qu'il y ait la paix soit en totalité, il faut stabiliser le prix sur le marché parce que c'est le prix qui engendre la famine surtout en totalité dans le monde. Moi, j'ai vécu l'unité nationale dès son début, au moment où les dirigeants de cette époque, pensaient à la signature de l'unité nationale. Ils ont constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au sein de la société. Aujourd'hui, l'unité nationale a progressé malgré qu'il y a des choses à améliorer. Au début, ça a été bien, mais aujourd'hui, le pas franchi n'est pas bon. Ça dépend des comportements des uns et des autres. Il n'y avait pas de la haine, il n'y avait pas de bien, tout simplement du partage des biens. Voilà, c'était le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. Et pour boucler ce journal, en actualité sous-régionale, au moins 23 personnes sont mortes et 12 ont été blessées gravement dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Un bilan encore provisoire après des attaques contre la communauté Hema dans le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Depuis plusieurs semaines, les actes de violence se multiplient. Des centaines de maisons ont été incendiées au cours d'attaques de la communauté Lendu contre des villages Hema, mais aussi lors des représailles menées par des Hema. Et ces violences ont pris de l'ampleur à partir de samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres. Célébration ce lundi 5 février du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. L'occasion pour le président de la République de rappeler dans le discours à la Nation, c'était hier, que l'Unité Nationale est un préalable pour le progrès du pays. Et dans sa prière de circonstance à Gitega, où le président de la République se trouve, Monseigneur Simon Namwana a demandé que Dieu fasse tout pour que les Burundais vivent une pleine unité. l'unité. Et dans ce journal, vous avez suivi ce qu'en pensent certains habitants de Bujumbura. Et un certain Sylvestre Niyomuru est mort et son corps retrouvé à côté de la rivière Kanyaru, en commune de Marangara de la province Ngozi. La police affirme que cet homme qui habitait au Rwanda a été tué, puis son corps jeté à Marangara dans sa commune natale. Et en actualité africaine, le Maroc a corrigé le Nigeria en finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 en s'imposant ce dimanche devant le Nigeria par 4-0. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. C'est François Kimana qui l'a mis en onde. Au micro Jean Bosco, Ndouimana, passez une très bonne journée.